à toutes et à tous. Oula, le micro est bas. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 509 avec comme album de la semaine l'album Ram, sorti en 1971 par Monsieur Paul McCartney. J'espère que vous allez bien. J'ai démarré en retard, j'ai donc quelques petits soucis, mais on va s'arranger et tout va bien se rétablir. D'abord, je voudrais en préambule dire deux, trois choses, deux même pour être exact. La première, c'est que cette émission est dédiée à Joël et sa fille, parce qu'elle a quelques soucis actuellement, et on pense bien à elle. On lui fait un gros, gros, gros bisou. Seconde chose, depuis 38 ans bientôt que j'ai fait cette émission, il arrive régulièrement que des nouvelles personnes viennent se greffer sur la saga. Et je sais que ce soir, il y a une certaine Alicia qui est actuellement à Pessac, qui écoute la saga des Fab Four. Donc je lui envoie un grand bonjour et j'espère qu'elle m'écoutera encore quand elle sera retournée chez elle, puisque c'est une kiné remplaçante de ma kiné à moi. Ça, c'est une private joke pour ceux qui me connaissent bien. Pour les autres, eh bien, ça n'est pas grave, oubliez ça. Bref. L'album de la semaine, donc il y aura Too Many People, il y aura Dear Boy, il y aura Smile Away, Ramon, Uncle Albert, Admiral Astley et Monk Berry Moon Delight. Pour Lennon, il y aura par exemple Imagine, la prise 1 sur l'album Once Upon a Time en 1998. C'est un best-of de Lennon Anthologie. Pour Harrison, ce sera Out of Dying sur All Things Must Pass. Pour Ringo Starr, on ira vers du Bye Bye Blackbird sur l'album Sentimental Journée en 1970. Quant aux Beatles, on commencera à deux mois à toi. On commencera avec, pour être exact. On commencera avec From Me to You sur c'est un single en 1963. La saga des Fab Four commence. Je vous retrouve sur Facebook dans le groupe La saga des Fab Four et je vous souhaite une très très bonne soirée. C'est parti pour la saga. 6 mois après Plastic Ono Band, Paul McCartney publie Ram, son deuxième album solo. La comparaison de leurs disques respectifs met alors en lumière ce qui sépare musicalement les deux anciens partenaires. Alors que John aura privilégié l'économie de moyens, usé d'arrangements minimalistes et choisis, mis en boîte l'ensemble avec rapidité, autant Paul aura opté pour une mise en scène fouillée, une obsession maniaque du détail. Ces deux œuvres majeures mettent en parallèle John le charpentier et Paul le prince de la marqueterie. Et cette remarque n'a évidemment rien d'un jugement. C'est ce qui, à ce moment précis, les différencie à première vue et fait rétrospectivement comprendre pourquoi John supportait de moins en moins les longues séances de studio que Paul imposait fréquemment aux Beatles. Toutefois, il n'en sera pas toujours ainsi. McCartney produira lui aussi quelques albums très bruts, tandis que Lennon affichera de son côté un goût pour des arrangements recherchés. Mais c'est surtout la supposée légèreté des propos de Paul qui contrastera singulièrement avec la profonde sincérité de Lennon. La totale mise à nu de ce dernier sur Plastic Ono Band et l'engagement qu'il met en scène avec Yoko lui vaudront les faveurs de la presse face à un McCartney dont les préoccupations et les thématiques abordées par ses nouvelles chansons renvoient une image fade et peu flatteuse de bourgeois conformiste et content de lui. Tout cela n'est évidemment que caricature, mais la presse en jouera beaucoup en opposant systématiquement et avec une certaine paresse intellectuelle les deux hommes dont les rapports ne sont pas au beau fixe depuis un bon moment. Alors que John enregistre encore en Angleterre, McCartney s'est provisoirement exilé à New York pour fuir le climat délétère entourant la séparation des Beatles et met en chantier l'album Ram. Les musiciens de studio qui l'accompagnent sont ceux avec lesquels il a déjà enregistré là-bas Another Day, son premier hit single en solo, paru en février 71 et numéro 1 en Grande-Bretagne et numéro 5 seulement aux États-Unis, fait alors un bon présage et de stimulateur créatif pour aborder sereinement ce deuxième LP. Paul n'a pas perdu la main et il va en faire la preuve par 5. Fort d'une aspiration à son zénith, Paul McCartney va mettre en boîte pas moins de 21 titres cette année-là, pour n'en conserver finalement qu'une douzaine. Une fois trié le grain de livret, la sélection frappe d'abord par sa diversité de couleurs et de styles. C'est là l'un des atouts majeurs de Paul, cette fascinante capacité d'intégrer tous les genres et d'en faire son miel tout en y plaquant sa propre personnalité. Cette faculté l'emmènera toujours à produire des œuvres riches de sentiments et de climats contrastés, et en deux mots, jamais ennuyeux. Une autre faculté non négligeable sera, et pour encore une bonne dizaine d'années, celle de produire des hits instantanés, populaires et néanmoins respectables. Ram en abrite un nouveau, Uncle Albert Admiral Astley, qu'on écoutera tout à l'heure, qui, malgré un profil musical ambitieux, décrochera immédiatement la timbale numéro 1 aux États-Unis et plus d'un million d'exemplaires écoulés en moins d'un mois. La suite, voici Imagine de John Lennon, mais la prise numéro 1 sur RG. Imagine all the people living life in peace. brotherhood of man. Harrison et Ringo Starr ne sont pas en reste en cette année, en ce début des années 1970, avec Hearts of Dying pour George Harrison et Bye Bye Blackbird dans un style complètement différent, évidemment, avec Ringo Starr. C'est à la suite maintenant sur RIG. Up all my cares and woe, here I go, singing low, bye, bye, blackbird, where somebody waits for me, sugar is sweet, so is À chaque fois, parce que je le pense, cet album Sentimental Journey de Ringo Starr est vraiment très très très bien. Ça va à son style de voix, c'est vraiment superbe. Nous avons écouté McCartney, Lennon, Harrison, Starr. Si on mélange tout comme ça dans une grande marmite, un peu comme la potion magique d'Astérix, vous voyez que je suis en lien avec l'actualité, eh bien ça donne les Fabulous Four, le thème de l'émission. Et qui va nous parler le mieux? Quel site de référence y a-t-il pour nous parler des Fabulous Four? C'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. charme de ce début des années 60 avec les harmonies vocales et les belles mélodies sorties par les Beatles. Les harmonies vocales, c'est quelque chose... Bon, alors, les quatre aiment bien. Les trois, George, Paul et John, étaient forts pour mêler leurs voix, pour faire de belles harmonies. Et surtout Paul, on va dire. Oui, parce que par exemple, cette chanson-là, extraite de l'album Ram en 1971, est basée sur la voix. Il y a un peu de musique derrière, bien sûr, mais la mélodie tient juste sur la voix et les harmonies vocales. C'est Dear Boy, j'adore cette chanson. Guess you never knew, dear boy, what you had found. Guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. Yeah. Galley, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Galley est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Cette première version de One After 909 des Beatles, tous les deux, cette chanson One After 909 et celle de précédente Eight Days a Week sont extraits des anthologies. Les versions, on pourrait prétendre que c'est une version de travail, une version, ils essaient différents rythmes, ils essaient, quelquefois les paroles sont pas toujours finies, ça dépend. Là, c'est le cas, c'est la version est complète. Mais c'est sympa, quand on est fan, on aime bien entendre des versions différentes parce que, avec les Beatles, c'est toujours bien. Toujours. Non, je suis pas du tout, le contraire de quelqu'un subjectif. Je suis objectif. Je suis totalement objectif. Merci de me l'avoir soufflé. Voici Ringo Starr sur RIG avec, attention, c'est sur l'album Stop and Smell the Roses en 1981. Attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Come on, baby, give it all you've got. Get into the power of the thought. You know, we'll only get it. attention for a while. Peut-être de son pote Paul McCartney sur cette chanson-là, Ringo Starr à l'instant. Et voici John Lennon dans un style complètement différent. Here we go again, extrait des sessions studio de l'album Rock and Roll. Ça n'est pas paru sur Rock and Roll, mais ça date de là. Alors, si vous voulez savoir, c'est paru sur Main Love Avenue en 1986. Thank you. Lennon sur Facebook nous précise que cette chanson est co-signée Lennon Spector. Je dois avouer que j'avais oublié l'anecdote, et c'est bien. Mais comme il le dit, ça ne vaut pas son partnership avec un certain Paul McCartney, que revoici sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ram, et le titre que je vous propose, à ce moment-là, il avait une voix extraordinaire, il en faisait ce qu'il voulait. Voici Smile Away sur RIG. 1, 2, 3, 4. Oh, Harrison avait acheté un grand manoir, on va l'appeler comme ça, qui avait appartenu à un certain Sir Frankie Crisp. Il en a fait une chanson d'ailleurs. Dans son livre I'm Me Mine, sorti au début des années 80, il écrit « The Answers at the End » était une fois de plus quelque chose que Sir Frank avait écrit sur ses murs. « Scan not a friend with a microscopic glass. You know his fault, now let his fault pass. » Life is one long enigma through, my friend. Read on, read on. The answer's at the end. Avoir vu ça pendant des années et trouvant ça très très bien, j'ai décidé qu'il fallait en faire une chanson. La version de Nina Simone de Isn't It a Pity a influencé le style, l'ambiance de du milieu de cette chanson pendant l'enregistrement de cette chanson. Voilà ce qu'on pouvait traduire sur son livre, parce que j'ai donc traduit directement de l'anglais, et c'est pas si mal que ça. On continue avec quelque chose qu'il faut faire. Si vous voulez que la saga continue, nous avons besoin de vous. C'est l'appel aux dons de RIG. votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. N'oubliez pas les mots importants de cet appel aux dons, c'est si vous voulez que RIG continue à exister et, par voie de conséquence, si vous voulez continuer à écouter la saga des Fab Four. Merci à tous. Tous les dons sont intéressants, qu'ils soient petits ou très très grands. On ne sait jamais. Quelqu'un qui aurait gagné à l'Euromillion, qui aurait envie de racheter la radio et puis de nous payer, Eric et moi par exemple, ce serait vraiment très très très bien. C'est là. I think I'm gonna be sad. Par deux fois sur RIG, qui est le mercredi soir vraiment la radio des Beatles, tous les mercredis, entre 20h et 22h, de mois de septembre jusqu'au mois de juin, et ce depuis 15 ou 16 ans, facile. Et cette émission existe depuis 1984. On fêtera, j'espère, bientôt les 40 ans de l'émission, et j'espère qu'on fera une super méga hyper fête. Voilà. On va retrouver, si vous voulez, deux Beatles, je voulais dire. Deux Beatles, un de 1964, quelle belle année. Et un de 1965, une année sympa. C'était extrait de l'album Help, bien entendu. Je vous propose de retrouver la voix cool de Ringo Starr. Et encore une fois, cette chanson va très très bien à sa voix. Suave, je n'hésite pas à le dire. Voici extrait de l'album Old Wave, Vieille Vague. En 1983, la chanson As Far As We Can Go. Très, très belle chanson. Vous allez juger. You don't have to say I see it on your face. When tears fall. Myself, it won't be long. It's too bad to lose what we had. I thought our love song would go on and on. Yes, I think they know. I guess that it must show. We've gone as far as we can go. They walk by and they wait. The rumors had to flow. Yes, I think they know. I guess that it must show. We've gone as far as we can go. They walk by and they whisper. L'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ram, sorti en 1971 par Monsieur Paul McCartney. Et pourquoi cette chanson Ram On? Parce qu'à un moment donné de sa vie de Beatles, il a utilisé des pseudos. Et Ram On, c'est en fait Raymond. Comme vous savez, le personnage de Dustin Hoffman, Rain Man, mais c'est Raymond. Voici Ram On sur RIG dans la saga des Fab Four. J'aime bien le Tequan. À mon avis, c'est pas vrai. Tequan. Ok. Lorsque vous retourniez le disque, il y avait la suite. Chanson à la fin, vous le retrouverez 2 ans plus tard sur l'album Red Rose Speedway, sous le titre de Big Band Bed. McCartney ne jette jamais rien. Il a une inspiration et puis il s'en sert au fur et à mesure. Il tire de son tiroir des petits airs comme ça lorsque l'envie l'en prend. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, eh bien c'est très très bien, c'est de très bonnes factures. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo, George ont chantée, reprise par quelqu'un d'autre, donc forcément, même si eux-mêmes, à l'époque, les Beatles, donc, avaient fait une cover de quelqu'un comme, je sais pas, qui vous voulez, Richards, comme Chuck Berry, par exemple, voilà. C'est pas grave, du moment que les Fab Four l'ont chantée, c'est la cover, et ça pourrait être vous, d'ailleurs, si vous m'envoyez vos titres, pourquoi pas. Voici Accentuate the Positive, mais pas chantée par Paul McCartney, chanté par Jules Holland et avec quelqu'un qui s'appelle Rumer, R-U-M-E-R, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est l'extrait de The Golden Age of Songs en 2012 sur l'album de Jules Holland, un grand copain de George Harrison d'ailleurs. Positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. All pandemonium's liable to walk up on the scene to illustrate my last remark. Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said you got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. And eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. Don't mess with Mr. In Between. C'est la saga, c'est la

our souls are filled with joy. Can't resist the spirit no one can destroy. You vibrate the dive the cosmic empire. Dive the cosmic empire. L'album de la semaine, Ram. La chanson que nous allons entendre, c'est le hit de cet album-là. Uncle Albert, Admiral Astley, qui a aidé, je l'ai dit en début d'émission, numéro 1 aux États-Unis. Et cette chanson est tour à tour mélodique et enjouée. Et elle est construite sur un principe que McCartney a souvent mis en œuvre dans le passé, accolant côte à côte des thèmes aux mélodies et aux rythmes très distincts, comme pour Day in the Life, pour Hey Jude, pour You Give Me Your Money, ou plus tard sur son fameux Ben on the Run. La formule ouvre un relief inhabituel et plaisant, privilégiant les effets de surprise à la traditionnelle construction couplet-refrain. Si McCartney n'est pas le seul à user de cette pratique, il reste l'un des initiateurs les plus habiles. Et cette propension aura une suite logique lorsqu'il abordera plus tard des œuvres de facture classiques. Mais Uncle Albert, Admiral Astley n'est pas, et loin de là, l'unique réussite de Ram. Entre les ballades dans lesquelles il excelle toujours, Ram On, Out of the Country, Dear Boy, McCartney dégaine une série de rock bien sentie, Monkberry Moon Delight, qu'on écoutera à la fin, Eat at Home et Smile Away. Too Many People, autre rock qui ouvre l'album, irritera profondément John Lennon. Plus ou moins vaguement encrypté, les paroles de ce titre fustigent l'air de rien, son cheminement personnel et médiatique. John aura vite fait de percer le message, tout comme les multiples petites pointes ironiques distillées tout au long des plages de Ram. Comme ce « Well, well, well, well » de doucereux au début de « Long-haired Lady » qui fait écho au « Well, well, well » rageur de son précédent album à John Lennon, l'album plastique « Ono Band ». On pourrait encore dire plein de choses sur cet album Ram, mais on attendra un petit peu plus tard puisqu'il est 21h21 et on a encore le temps. We're so sorry. So sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home.

sera Eric pour Johnny de A à Z et Eric aura un invité. Restez à l'écoute. See you. What Goes On en 1965 sur l'album Rubber Soul, et puis à l'instant I'm Only Sleeping 1966 sur l'album Revolver, avec un John Lennon quand même qui disait je ne fais que dormir, alors que pas John Lennon mais Paul McCartney chantait quelques temps plus tôt Eight Days a Week, 8 jours par semaine. C'est plutôt le rythme qu'avaient les Beatles à ce moment-là, entre 1962 et 1965. On refait un appel aux dons si vous le voulez bien. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. Si vous souhaitez contacter la radio, n'oubliez pas de dire que vous appelez, enfin vous voulez faire un don que vous avez entendu dans l'émission La Saga des Fab Four. Et puis n'oubliez pas que le mot important, c'est la survie de la radio si vous voulez continuer à écouter, j'espère, La Saga des Fab Four. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Dernier extrait de Ram, Monk Mary Moon Delight sur RG. 90.7, la radio des Beatles. Attention, chef-d'œuvre.

maybe a power cut and the candles burn down low. But something inside of me says the bad news isn't so. Sur son émission, il n'a rien dit, il a juste fait un petit sourire. Je vous le retrouver dans quelques secondes avec un invité. L'émission va être passionnante. A tout de suite, Eric, pour Johnny de A à Z, ton émission de référence en France sur Johnny Hallyday. Et pour tous les autres, les auditeurs, eh bien, merci d'avoir écouté, et les auditrices aussi, et à très très bientôt. Salut.